Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. En deuxième partie d'émission, nous allons vous parler de la publication, hier, par l'Agence spatiale européenne, d'un catalogue stellaire répertoriant plus de 1,7 milliard de corps célestes composant notre galaxie, la Voie lactée. Ce catalogue est accompagné d'une carte animée en couleurs et en trois dimensions de notre galaxie. Alors, il s'agit d'un ouvrage colossal construit à partir de milliards d'observations effectuées par un satellite appelé Gaïa qui a été mis en orbite autour de la Terre le 19 décembre 2013 à 1,5 million de kilomètres. Pour nous parler de ce projet colossal, dont une des étapes importantes a abouti hier, je reçois Yvan Dutille, docteur en astrophysique. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors Yvan, la publication de cet ouvrage hier est l'un des aboutissements importants de la mission Gaïa, une mission qui avait été développée par l'Agence spatiale européenne en l'an 2000. Alors quels étaient les objectifs de cette mission qu'on définit comme étant une mission astrométrique? On l'a défini comme ça en tout cas. En fait, l'objectif est très très simple et c'est ce qu'on a fait en astronomie pendant plusieurs millénaires, c'est de mesurer la position des objets célestes. Okay. Première chose, c'est ça. Plus ajouter des informations en couleur et en spectroscopie pour avoir un peu plus d'informations astrophysiques. Composition, la cinématique, la vitesse. En fait, ultimement, l'idée, c'est d'avoir le positionnement. La position X, Y, Z, la profondeur, ouais. Extrêmement difficile en astronomie. Okay. Et les déplacements, ce qu'on appelle le mouvement propre, donc dans les deux axes, X, Y. Et en plus, avec la vitesse de l'étoile par rapport à nous, on a l'étoile. Donc, on a les six coordonnées spatio-temporelles des étoiles, on les aurait avec cette mission-là, sur une quantité énorme d'étoiles, et non pas un petit échantillon. On peut faire ça sur une étoile en travaillant très fort, mais là, on est dans le milliard d'étoiles. Et dans notre galaxie, on a 200 milliards. Donc, on va avoir un échantillon. OK, il y a 200 milliards. Okay. On va avoir à peu près 1% de toutes les étoiles de notre galaxie vont être dans ce catalogue-là. On va avoir une vue très pas pire d'une bonne fraction de la galaxie. Fait qu'on va avoir cette vision-là parce que, il faut comprendre, c'est peut-être pas évident pour les gens, le gros du travail en astronomie est de déterminer les distances. Parce que tout découle des distances. La taille des objets, la masse des objets, toutes les propriétés physiques, le fonctionnement interne vient de la connaissance de la distance. Et le problème, c'est que c'est pas facile à faire. C'est extrêmement difficile. Pour vous donner une idée, ça a pris plusieurs siècles, plusieurs millénaires avant qu'on s'aperçoive que les planètes étaient loin. On a mesuré ça dans le temps avec des... pas un peu plus compliqué que des bâtons et des équerres. le mieux qu'on a fait avec cette technologie pré-télescopique, c'est Tycho Brahe qui l'avait. Lui, il avait des rapporteurs, il avait un observatoire astronomique un peu particulier de nos jours aujourd'hui. C'était à Uraniborg au Danemark. Il avait son île avec son donjon dans l'observatoire parce qu'il était extrêmement riche. Et dans son observatoire, il y avait des gigantesques rapporteurs d'angle avec des trucs faits en bois. De mémoire, je pense que c'est du frein, qui est un bois qui ne réagit pas à l'humidité, pour que ça se reste le plus droit possible. Il arrivait à une précision de 1 minute d'arc, donc 1/60e de degré. C'était bon là, pour l'époque. Oui, c'était parce que historiquement, là, c'est à peu près un demi-degré qu'on arrivait à faire. Donc, il réussi à mesurer ça, dans le meilleur des cas, à 1 minute d'arc. Donc, c'était exceptionnel. Plus tard, bon, on l'a amélioré. Quand on a inventé le télescope, ben, là, ça a simplifié, ça l'a permis. On a réussi à aller vers la seconde de précision environ du 19e siècle. C'est ça, on parle de la seconde d'arc, là, c'est seconde d'arc, oui. C'est donc, une seconde d'arc, c'est une partie dans 3600. Oui, c'est ça. Autant dit, c'est 1 degré divisé par 3600. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est à peu près la résolution qu'on a avec une paire de jumelles, par exemple. C'est de l'ordre de grandeur. C'est ça, à peu près, qu'on a été capable. Parce que, à un moment donné, rendu à ce niveau-là, on est limité par l'atmosphère. Et là, ça devient compliqué. Et justement, au 19e siècle, c'est la première fois qu'on réussit à mesurer la distance des étoiles. Brahe avait réussi à faire des trucs très agréables, comme montrer que les comètes n'étaient pas un objet atmosphérique, qui est tout à fait étonnant, parce que depuis Aristote, on a toujours considéré que les comètes étaient un objet atmosphérique. Okay. Parce qu'on les voyait au lever, au coucher du soleil. C'est des gaz qui se dégagent du sol. Un peu comme les nuages noctulissants. Là. Donc, on pensait que c'était un phénomène atmosphérique. Puis Brahe, avec un collègue, avait montré, non, ça se peut pas, parce que c'était dans l'atmosphère, on n'aurait pas le même angle mesuré à Prague puis mesuré à Uraniborg. Donc, ils ont montré que c'était plus loin que la Lune. Donc, c'est un phénomène astronomique. Et là, ça posait des problèmes théoriques pour l'époque, parce que c'était au-delà de la sphère de la Lune. C'était un objet céleste. Donc, les cieux étaient supposés être immuables. Ils n'étaient plus. On voit un petit peu le problème. Donc, ça, c'est le plus loin. Alors, en 1838, on arrive pour la première fois à mesurer directement la distance d'une étoile. On s'aperçoit que c'est des années-lumière de distance. Ce qui était étonnant un peu, parce que Huygens, quelques siècles avant, a montré peut-être Sirius était une demi-année-lumière, mais là, on avait vraiment un chiffre pour une étoile qui était plus à quelques années-lumière. Et puis là, ça a progressé très lentement. C'est très difficile parce qu'au sol, moi, j'ai vu, faire ces mesures-là, c'est pas facile. Il y a l'atmosphère dérange. Les plaques photos ont aidé parce que là, on arrivait à prendre des photos, parce qu'avant, c'est avec au télescope, avec un micromètre, on mesurait les distances avec des fils de toiles d'araignée qu'on faisait glisser avec des vis micrométriques. Alors, on a pris des plaques photos. Les Européens ont fait un projet complètement démentiel qui s'appelait la carte du ciel en français. Et c'était un paquet d'observatoires partout dans le monde qui allaient prendre des bandes de photos, de relevés de tout le ciel, et des plaques photos qui allaient être, pas numérisées, mais disons, mesurées avec des gens équipés de micromètres. Il y a un jésuite qui a passé 27 ans de sa vie à mesurer ça. Les Européens, pendant qu'ils faisaient ça, évidemment, ça leur a bloqué leur astronomie un petit peu. Et c'est l'astronomie s'est développée aux États-Unis avec la cosmologie, les trucs plus modernes. Les grands astronomes du 20e siècle, c'est beaucoup des Nord-Américains à cause de ça. Les Européens ont été embourbés dans cette chose-là. Mais c'est ça, l'astrométrie, moi, je demanderais un astronome dans Laval ou à Montréal ou à McGill, il n'y a plus personne qui sait faire ça presque. C'est une vieille science qui est extrêmement complexe dans la précision et la rigueur qu'elle demande, et très, très mathématique aussi, ce qui est assez surprenant. Quand on lit des articles d'astrométrie, c'est extrêmement mathématique parce qu'il y a plein de calculs d'angles et de distances à faire. Donc, ça date pas d'hier, finalement, qu'on veuille cartographier le ciel, si je comprends bien. Mais pourtant, c'est pas la première fois qu'un catalogue de la Voie lactée voit le jour. Le dernier avait été élaboré entre 1889 et 1993 avec un autre satellite européen qu'on appelait Hipparcos. Quel genre d'informations ce répertoire-là contenait-il? Ben, c'est la même chose. Toujours des coordonnées? Sauf que Hipparcos avait une précision, dans le meilleur des cas, de l'ordre d'un millième de seconde d'arc. On appelle milliard seconde. Donc, on est rendu 3,6 millionième de degré. Là. Donc, on était plus précis. On gagnait en précision. Hipparcos est dans l'espace. Oui. Beaucoup, beaucoup avantageux. C'est un système avec deux télescopes, comme Gaïa, plus simple, beaucoup plus simple, avec la technologie des années 90. Donc, en orbite des années 90, on parle d'une technologie des années 80. Des détecteurs photométriques et non pas des détecteurs CCD comme aujourd'hui. On est dans un autre univers de couleurs. Beaucoup moins d'étoiles. 200 000 étoiles. Des étoiles plutôt brillantes. Donc, Hipparcos a contribué énormément, parce que moi, je me souviens, Hipparcos a été lancé l'année que je suis rentré en physique. Okay. Et ça a été, avant, c'était épouvantable. On avait les mesures de distance étaient pourries. Avec Hipparcos, ils sont devenus assez pas pire pour travailler pour la plupart des choses. Mais c'était limité. Mais comme toujours, quand on fait du spatial, la journée qu'on lance le satellite, on fait une proposition pour le suivant. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Les gens, il y avait les Allemands qui voulaient faire un Hipparcos amélioré. Puis, il y a un Danois qui est arrivé, M. Hogg, qui a dit « Non, non, on va passer à l'échelle au-dessus. » Et là, on est passé d'une cible de 1 milliseconde d'arc à quelques micros, un autre facteur 1000, 100 à 1000 de plus. Et là, les étoiles, au lieu de 200 000, on passe à 2 milliards. Okay. Donc là, plusieurs générations, c'est pas juste un facteur 10, c'est absolument, si tu as mis un facteur 10 d'une instrument à l'autre, ça va, mais là, on a fait un facteur 100 à 1000. Là. Donc, ça n'a rien. Ce qu'on a fait là dépasse tout ce qu'on a fait depuis toujours. Là. Okay. Mais avec Hipparcos, est-ce qu'on mesurait aussi d'autres choses? Est-ce qu'on mesurait, par exemple, la luminosité des étoiles? Oui, en fait, c'est les deux seuls paramètres qu'on mesurait. C'était, on avait deux photomètres de deux couleurs, un rouge et un vert. Donc, on arrivait à mesurer les distances et la luminosité, les positions surtout. 200 000 étoiles dans Hipparcos, le catalogue principal. Il y avait un deuxième instrument moins précis qui en avait 2 millions. Donc, ça a été le pain et le beurre des astronomes Le catalogue Hipparchos a été réédité à plusieurs reprises avec des raffinements d'analyse d'une fois à l'autre. Et il a été combiné à d'autres catalogues. C'était ce qu'il y avait de mieux aller jusqu'à il y a 2 ans. Okay. Jusqu'à ce que les premières données de Gaïa arrivent. Donc, c'est, écoute, on a tous le Hubble, le télescope spatial Hubble pointait dans le ciel à partir des données d'Hipparchos, des catalogues Tycho, même chose pour toutes les... Quand on prenait des photos, si jamais on voulait faire l'astrométrie, là, ben, tu vas choisir les étoiles dans le catalogue Tycho, puis c'est ça qui faisait tes calculs d'astrométrie. Donc, c'était le pain et le beurre. Là, on a changé de oui. régime. Là. On n'est plus dans la même équipe. Là. C'est vraiment un niveau au-dessus. En termes de précision, on n'est ouais. pas du tout dans la même partie. Là. On a gagné un facteur 100. Ça permet de faire des trucs extraordinaires. Ben, l'affaire le plus extraordinaire, c'est qu'on va beaucoup plus loin dans notre galaxie. On peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière avec une précision sur la profondeur, sur la distance, qui okay. est tout à fait extraordinaire. Peut-être pas tout de suite, mais ça va s'améliorer parce que plus on prend de données, mieux c'est. On a beaucoup plus d'étoiles, beaucoup d'étoiles faibles aussi. C'est parce que Hipparchos avait les étoiles brillantes. Il n'y avait pas. Puis c'est des étoiles sélectionnées, alors que Gaïa ramasse tout ce qu'elle est capable de ramasser. Donc, c'est vraiment. Il n'y a pas de sélection, c'est à la d'accord. limite de ce que l'appareil est capable de détecter. Donc, autrement dit, il peut y avoir des étoiles qui sont à l'extérieur de notre. On a trouvé dans des galaxies proches. Il y a 2 ans, on avait mesuré la rotation du nuage de Magellan à partir de 27 étoiles, mais c'était les premières données préliminaires. Là, j'ai vu des cartes de courbes de rotation qui avaient l'air, probablement qu'ils ont mis beaucoup d'étoiles là-dedans. Donc, en théorie, on peut aller les étoiles les plus brillantes des galaxies proches pour être mesurer, en fait, on peut mesurer les distances, pas le parallaxe, à cette distance-là, c'est trop loin, ouais. mais on peut statistiquement mesurer le mouvement propre. Puis là, il y a des méthodes, la méthode des méthodes statistiques qui permettent de calculer par géométriquement les distances de cette la même façon. Donc ça, c'est des techniques qu'on va utiliser et ça a des impacts sur toute l'astrophysique parce que le problème qu'on avait en astronomie, c'est qu'on n'était pas capable de mesurer on mesurait les étoiles proches, OK, on établissait une certaine règle, on faisait une marge d'escalier jusqu'aux amas d'étoiles, on faisait une autre marge d'escalier jusqu'aux galaxies, puis là, on faisait une autre marge d'escalier plus loin, ce qui fait que l'incertitude sur l'expansion de l'univers était un facteur 2. Donc, en 90, là, puis c'était un facteur 2, je me souviens d'une conférence d'Uberry, il disait, ah, c'est extraordinaire, il dit, mais étant donné la complexité de la mesure, qu'on soit en dedans d'un facteur 2, c'est tout à fait merveilleux. Fait que c'est, et là, bon, maintenant, c'est plus dans le bout de, je pense, 4 ou 5 % là, parce que dépendant de qui fait la mesure. Donc, Gaïa va éliminer une partie des incertitudes, elle va permettre de faire d'éliminer beaucoup d'incertitudes sur toute l'astrophysique stellaire, parce que là, on sait les distances, on sait les modèles, on va comprendre mieux tout. On connaît les déplacements aussi. Oui, puis là, l'orgie de données aussi va faire qu'on trouve des trucs extrêmement rares parce que si une étoile sur 1 million qui a une propriété particulière, ben il va encore en avoir un petit échantillon suffisant dans le répertoire de Gaïa pour comprendre. Par exemple, on a trouvé des étoiles hyper véloces, des étoiles qui sont extrêmement rapides, qui vont quitter notre galaxie. Qui ont été probablement éjectés d'une paire d'étoiles doubles et les relâchés dans l'espace. Donc, c'est le genre de choses. On utilise le système solaire. Les mesures des. Là, dans ce qu'on a relâché des données sur 14 000 astéroïdes, oui, effectivement. C'est juste une pratique. C'est juste une pratique. Il va en avoir pour des centaines de milliers dans les prochaines années. Parce que, aussi, de le plan, c'est à tous les 2 ans, c'est comme un striptease. Mm-hmm. Au début de l'année, il y a 2 ans, on a donné un petit peu de données. Là, on donne des meilleures données. Dans 2 ans, on va donner encore des données meilleures. Et ça va progresser comme ça. Et ça, les astéroïdes, c'est qu'on mesure avec une précision hallucinante la position des astéroïdes. Et là, on peut faire des trucs, on peut mesurer la masse des astéroïdes. Parce que si 2 astéroïdes passent à côté de l'autre, ça fait une petite perturbation. Ah oui, oui. Mais là, Gaïa, la pression est tellement démentielle okay. qu'on va pouvoir les mesurer, peser des astéroïdes de cette façon-là. Incroyable. On peut, les gens disaient, on va mesurer l'effet Yarkovsky, qui est un truc complètement fou. La lumière éclaire un astéroïde. Oui. Bon. Le sol absorbe de la lumière. Oui. L'astéroïde tourne sur lui-même. Oui. Il réémet la lumière avec un angle par rapport à l'angle oui. qu'il a reçu. Incident. Oui, ça fait un petit déplacement angulaire. La force, la pression de la lumière et la pression réémise ne sont pas alignées. Poussées. Ça change légèrement l'orbite de l'astéroïde. De façon quasi insignifiante, là, on parle d'accélération de l'ordre du micron à l'heure, ou je ne sais pas trop, là, micron par seconde carré. Mais maintenant, c'est mesurable. Ça va être probablement mesurable avec Gaïa. On l'a fait pour les astéroïdes proches, qui sont relativement petits, mais là c'est une façon de peser les astéroïdes aussi. Donc, il y a tout ça. et là, c'est tout ce qu'on on a pensé à faire jusque-là. Parce que là, ces zones-là sont domaine public. Alors, il y a quelqu'un, Manny, va dire, ah oui, on pourrait faire un truc. Mais il y a un truc qui me fait triper, c'est en physique fondamentale, c'est la relativité générale. Parce que là, on est au micro-arc-seconde, là. Mm-hmm. L'espace-temps, c'est du jello, là. Mm-hmm. Fait qu'il faut corriger pour la relativité générale pour être capable de mesurer. Puis là, on teste la relativité générale de la même façon. Parce que c'est une milliseconde d'arc à peu près à 90 degrés du soleil, l'effet de la relativité générale. C'est colossal par rapport à la précision de Gaïa. Fait qu'on va mesurer les effets de la relativité générale en champ faible à une précision, je pense, 6 chiffres après le point, quelque chose comme ça. Donc, tout ça, là, qui produit plus tout ce qu'on va. Mais vraiment, là, ce qui va être vraiment trippant, moi, j'ai fait ma thèse sur l'évolution des galaxies, c'est vraiment on va comprendre notre galaxie. Parce que il y a un paradoxe, on comprenait mieux toutes les autres galaxies que la nôtre. Parce qu'on avait le problème qu'on vit dans notre galaxie. OK, on est à l'intérieur. Oui, alors, donc, des trucs aussi bêtes que savoir la taille de la galaxie, c'est où que les bords sont, la distance au centre de notre galaxie, c'est extrêmement difficile à faire. Où sont les bras? Là, avec Gaïa, ben, on a toutes ces mesures de distance-là. On a l'orgie de données encore. On va trouver, parce que ça, c'est les gens ne réalisent pas, c'est que quand les étoiles se forment, les étoiles, eux, ils vont continuer à voyager sur leur trajectoire. Ils vont se disperser avec la différence de vitesse. Un kilomètre par seconde, c'est une année lumière par million d'années. En quelques milliards d'années, vous êtes très éloignés les uns des autres, vous savez où sont les voisins. Mais en vitesse, ça change très peu. Donc, avec les mesures de vitesse, on va pouvoir retrouver des regroupements d'étoiles qui se sont formés il y a 100, 200, 300 millions d'années, 1 milliard, jusqu'au début de la formation de la galaxie. Et là, on va voir des petites galaxies qui ont été absorbées dans notre galaxie. On en a déjà trouvé, d'ailleurs, dans les données préliminaires, 16 groupements d'étoiles. Mais plus on va avoir de données, plus ça va être évident, plus on va aller les chercher. Alors là, on va retrouver l'histoire de notre galaxie. On va comprendre plein de choses. Là, parce qu'on n'a plus la maudite incertitude sur les distances qui nous pillaient toute cette imprécision-là. Et là, ce qui va arriver aussi dans 2, 3 ou 4 ans, c'est les planètes. Oui, OK. Parce Gaïa aussi fait les planètes. Parce que votre étoile, quand vous avez une paire d'étoiles doubles, la prochaine, dans 2 ans, c'est les étoiles doubles qu'on relâche dans la population. Okay. Il y a des étoiles qui tournent ensemble, le centre de l'étoile bouge en ciel. Donc, ça fait une orbite. Mais s'il y a une planète, elle bouge aussi, beaucoup plus faible. Uh-huh. Mais là, on va avoir probablement, là, dépendant de la durée de la mission, des milliers à des dizaines de milliers de planètes. La taille de Jupiter, Neptune. C'est contrairement à la plupart des mesures, cette méthode-là est sensible aux planètes les plus loin de l'étoile. La plupart des techniques qu'on utilise sont sensibles aux planètes proches. Celle-là est sensible aux planètes lointaines. Donc, on va avoir plein d'informations sur plein d'objets. On va mieux connaître notre voisinage galactique, ce qui est déjà, moi, intéressant. Oui. Et c'est vraiment, vraiment fascinant là, ce qui s'en vient. À la limite, Yvan, est-ce que ce serait même possible de retourner jusqu'au Big Bang? À la formation de notre galaxie, parce que c'est le Big Bang, c'est de la cosmologie. Gaïa va aider pour la cosmologie dans la mesure où elle permet de raffiner notre échelle de distance, de faire sauter des étapes, parce qu'on va pouvoir faire un saut direct. En fait, les céphéides, Hipparca, ça fait une céphéide. Une céphéide, c'est une étoile qui pulse d'une façon systématique. Ben, Gaïa va en faire des milliers, fait qu'on va pouvoir raffiner. Juste avec ça, on va pouvoir avoir une bonne précision plus loin. Gaïa va aider, parce qu'on va, on s'accroche sur les quasars, qui sont des objets extragalactiques. Donc, le champ de système de coordonnées de Gaïa est attaché directement sur le ciel, parce que les quasars sont à une distance qui est quasiment infinie pour nous. Donc, ils ne bougent pas. Alors, ils sont tac, tac, tac. Une référence. On est accroché. Alors, parce qu'il y a toujours une incertitude avec tous les systèmes de coordonnées à savoir s'ils se déformaient, s'il y avait des rotations qui étaient introduites, parce qu'il faut. Quand on les prend sur la Terre tourne. Alors, il faut compenser la rotation. Alors, on passait par des. La Terre tourne autour du Soleil aussi. Oui, puis en plus, sur la Terre, il faut que tu fasses une correction pour la dérive des continents. Oui, c'est à ce niveau-là. On mesurait des quasars en radio. On faisait une translation sur les données. Alors, Gaïa, la beauté, c'est qu'elle mesure direct. Ce satellite-là mesure directement les quasars avec le même système que les étoiles. Donc, tout ça est accroché ensemble dans le même système. Donc, puis il y a des trucs aussi bêtes que pour la navigation des vaisseaux spatiaux, à cause des catalogues ne sont pas parfaitement précis, il y avait toujours une petite incertitude qui était associée à la précision des catalogues. Alors, on demandait de faire des surveys spéciales pour des régions. Et là, avec Gaïa, ben, on a réduit cette incertitude-là. C'est plus facile de piloter les vaisseaux. Par exemple, c'est une compagnie de Québec, Kinetex. Peut-être les gens savent. Et Kinetex, une compagnie qui est littéralement dans un appartement de... Ah bon? Oui, j'ai un copain qui travaille là. Et ils pilotent des vaisseaux spatiaux. C'est ça leur marché. Et ils pilotent la sonde New Horizon qui est passée vers Pluton. Mais là, il y avait une nouvelle cible. Puis là, il y avait besoin d'une précision supplémentaire pour la position de la cible. Alors, ils ont demandé, ils ont accès à des données préliminaires de Gaïa pour raffiner. Okay. Donc, ça va leur permettre de piloter leur sonde avec plus de précision parce qu'ils ont des meilleures données à cause de Gaïa. On a eu une occultation de Triton, une des lunes de Neptune, il n'y a pas longtemps. Ben, ça collait, il y avait une incertitude sur la position. Alors, de Neptune à la Terre, une petite incertitude faisait des centaines de kilomètres d'erreur sur la position. C'est une occultation, c'est quand la Lune passe devant une étoile. Donc, c'est vraiment un alignement super précis. Mais là, grâce à Gaïa, ben, on savait, OK, elle va passer exactement là, mettez les télescopes là. Et les gens ont réussi à prendre les images qu'ils voulaient prendre, ce qui est tout à fait extraordinaire aussi. Donc, ça simplifie la vie de toutes sortes de trucs de base pour tout le monde, de cette capacité-là de pouvoir prendre des mesures dans l'espace, là. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on dit que les appareils sur le vaisseau spatial pouvaient prendre des 500 millions de mesures par jour. C'est quand même incroyable. Oui, ça. Oui, c'est colossal. C'est colossal. C'est d'une complexité parce que, évidemment... Et c'est quel genre de mesures? Est-ce que c'est des caméras CCD, ouais. Des caméras électroniques comme dans votre iPhone. Plus gros, là, on parle de caméras qui sont de la taille de... à peu près quoi, un pouce carré, là. Il y en a une centaine de ces caméras-là. Et, bon, il y a des filtres. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus, il y en a qui n'ont pas de filtre pour être plus sensible, il y a tout. Et il y a un système, il y a une série qui, il y a une première série qui détecte les objets qui passent. Puis, il y a une étoile, il fait un petit timbre. Il fait un petit timbre sur l'étoile. Oui. Et guider un timbre, il garde quelques pixels autour de l'étoile. Et c'est tout ce qui est descendu sur Terre. À l'intérieur de la sonde, on fait une petite analyse et on descend les données réduites au sol. Parce qu'on peut les pré-analyser, pour compresser. Parce que c'était un défi hallucinant de traiter, de faire le pré-traitement à bord pour minimiser le volume de données qui est colossal. On en voit à la Terre, d'ailleurs c'est amusant, c'est pas des antennes mécaniques. Mais des antennes électroniques qu'on utilise parce qu'on ne peut pas se permettre de bouger quelque chose, ça ferait trop de vibrations. Okay. Alors, c'est purement électronique, le pilotage des antennes. Il y a deux antennes qui... Une dans le nord de l'Europe et une en Argentine qui font les télécommunications en temps normal. Mais à certains moments, il y a plus de données. Quand la sonde passe sur le plan de la galaxie, il y a plus de données. Alors là, il y a un rôle d'autres antennes, d'autres observatoires dans le monde pour pouvoir ramasser plus. Donc ça, c'est vraiment... c'est les 500 millions de mesures, mais ensuite, il faut les analyser. Et ça, c'est pour ça que ça prend 2 ans. On a 2 ans de retard sur les données qu'ils ont pris parce que c'est des super ordinateurs qui processent tout ça pour réussir à sortir l'information, là. Et comme il nous reste seulement que 2 minutes, Yvan, le 14 septembre 2016, Gaïa a fourni une version provisoire du répertoire qui a été publié hier. Pour quelle raison? En fait, c'est parce que c'est tellement compliqué à analyser les données. C'est pour prendre de l'avance, peut-être? Oui, en fait, c'est parce que il y a 2 choses. 1, c'est très difficile à analyser. Oui. Et 2, ça prend du temps pour avoir assez de données. Ça prend du temps pour avoir accumulé toutes les données. Donc, parce qu'il y a des trucs qu'il faut observer pendant assez longtemps pour le détecter. Alors, c'est un striptease. On fait un striptease de données. Là, il y a 2 ans, on a donné des données. Cette année, on donne plein de données. Dans 2 ans, on va donner plus de données. On va avoir les étoiles doubles qui vont se donner. On va avoir plus de raffinement, plus d'astéroïdes. Dans 4 ans, on va avoir toutes les étoiles doubles, probablement les planètes, plus. Donc, on voit, là, tu sais, puis ça va durer encore jusqu'à dans le milieu des années 2020. Là. Donc, ça veut dire finalement que la mission Gaïa n'est pas terminée avec ce qui a été publié hier. Ça va se continuer encore. Ça fait juste commencer. Yvan, merci infiniment pour toute cette science. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en astrophysique. Alors, restez avec nous pour le mot de la fin.